Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Quel 16 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 16 avril 1943, jour de la découverte d'une substance hallucinogène. Il s'agit, attention, accrochez-vous, du diéthylamide de l'acide lysergique, qu'on connaît nettement mieux sous le nom de LSD. Ah, bah vous me parlez beaucoup plus là. Comment est-ce qu'on la découvre, cette drogue ? C'est le chimiste Albert Hoffmann qui l'a découverte dans son laboratoire de la société suisse Sandoz, on est à Bâle. Il essayait à l'époque d'isoler le principe actif de l'ergot de seigle, qui est un champignon qu'on connaît, un champignon qui avait halluciné des populations entières depuis le Moyen-Âge. Les sages-femmes, notamment, l'utilisaient pour faciliter les accouchements. On savait aussi qu'il pouvait être dangereux et provoquer des bouffées délirantes, si je puis dire. Hoffmann va donc essayer en laboratoire de synthétiser la molécule pour en tirer un médicament. Soudain, il est pris d'un étrange vertige, il ne se sent pas très bien, il rentre chez lui, sa tête tourne. Ce n'est pas désagréable, précise-t-il. Il ressent une espèce d'ivresse et commence à halluciner. Il distingue des formes kaléidoscopiques. C'est bizarre. Et puis, au bout de 2 heures, il va mieux. L'effet s'est dissipé. L'effet s'est dissipé. L'heure pour lui de découvrir, de comprendre qu'il vient de trouver une nouvelle substance. Alors, pas tout de suite. Au départ, il ne sait pas ce qui a pu se passer. Il a utilisé du chloroforme et se dit qu'il en a peut-être inhalé par erreur. Seulement, le chloroforme ne provoque pas ce genre de délire. Et puis, tout à coup, il a une intuition. Et si c'était justement le LSD-25, cette molécule qu'il est en train de synthétiser ? Alors, pour en avoir le cœur net, il ingère une petite quantité de ce LSD. Alors, bon, il ne se passe rien. Et voilà qu'il tombe aussi sec, dans un état de folie. Il croit visiter l'enfer, tellement ses visions sont horrifiques. Le LSD sera ensuite utilisé, vous le savez, pour soigner la toxicomanie, mais oui. Et puis, dans les années 60, elle sera consommée par certains artistes séduits par ses effets. La légende veut d'ailleurs que le célèbre morceau « Lucy in the Sky with Diamonds », vous savez, des Beatles, ça fait les initiales LSD. Ce serait une ode à cette drogue psychédélique. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, nous rendrons aujourd'hui l'hommage qu'il mérite au poète Aimé Césaire. Eh ben, on met de côté le LSD alors. À tout à l'heure.